Tu serres les fesses et quand c'est tendu. Le sang est dans les boîtes et dans les blocs les plus attendus. Bang, bang, bang. On t'arrache tes tendons. On arrive, on t'éteint ton ton. Ici l'ambiance est tendue. Vroom, vroom, vroom. Démarre le verre et allez hop. Ici on nique ta mère, tes frères et sœurs et tout ce qui va avec. Zerma, tu fais les ventes. J'suis pas ton poule à haut. Ta musique est tourne en rond comme à l'époque du hula hoop. Bienvenue chez moi, y'a des cadavres sur la route. On va venir chez toi, monter en l'air tout là-haut. Y'a des voyous chez moi qui t'allument pour pas un rond. Y'a des voyous chez toi qui ont peur des grands chez moi. Bang, bang, bang. La rue c'est dangereux, mais que veux tout de suite ici, go. La rue c'est dangereux. Bang. La rue c'est dangereux, mais que veux tout de suite ici, go. La rue c'est dangereux. Bang, bang. Tu finis pendu. Les keufs me questionnent. J'ai rien vu, j'ai rien entendu. Bang, bang, bang. On mange des fruits défendus. Et on devient fêlé. Sauvage comme des félins. Ça fume la ganja et ça fait le ninja. 30 ans passés pour toi, je pense qu'il est temps de se ranger. Ça fume la ganja, mais reste là. 30 ans passés pour toi, je pense qu'il est temps de se ranger. Bienvenue chez moi, y'a des cadavres sur la route. On va venir chez toi, monter en l'air tout là-haut. Y'a des voyous chez moi qui t'allument pour pas un rond. Y'a des voyous chez toi qui ont peur des grands chez moi. Ben, ben, ben. La rue c'est dangereux, mais que veux-tu que tu dis, Zigo? La rue c'est dangereux. La rue c'est dangereux.